Il frappa sa poitrine et demeura sans voix. Et je vis, ô terreur, qu'il vieillissait encore. Farouche, il regardait cette lugubre aurore et la robe de sang dont il était vêtu. L'ange reprit. Voyons, défends-toi, parle. As-tu, pour lui jeter ta faute et pour qu'il en réponde, au-dessus de ta tête un être dans ce monde? Et l'homme répondit. Je n'ai que vous, mon Dieu. Alors, je crus voir luire un rayon du ciel bleu. Des sept anges rêveurs, les clairons se baissèrent. Le gouffre, que les nuits insondables enserrent, frémit comme frémit l'oiseau pris au lacet. Et l'espace entendit une voix qui disait.